Un rêve. Quel don lui faire au déclin de l'année? Le vent d'hiver a brûlé le gazon. La fleur n'est plus et la feuille est fanée. Rien de vivant dans la morte saison. Et consultant d'une main bien aimée, de votre herbier, main doux et cher feuillet, vous réveillez dans sa couche embaumée tout un passé d'amour qui sommeillait. Tout un passé de jeunesse et de vie. Tout un passé qui ne peut s'oublier, et dont la cendre, un moment recueillie, reluit encore dans ce fidèle herbier. Vous y cherchez quelques débris de tiges, et tout à coup, vous y trouvez deux fleurs, et dans ma main, par un secret prodige, vous les voyez reprendre leur couleur. C'étaient deux fleurs, l'une et l'autre étaient belles, d'un rouge vif, d'un éclat peu commun, la rose brille et l'œillet étincelle, tous deux baignés de flammes et de parfums. Et maintenant, de ce mystère étrange, vous voudriez reconnaître le sens. Pourquoi faut-il vous l'expliquer, cher ange? Vous insistez. Eh bien, soit, j'y consens. Lorsqu'une fleur, ce frêle et doux prestige, perd ses couleurs, languit et se flétrit, que du brasier on approche sa tige, la pauvre fleur aussitôt refleurit. Et c'est ainsi que toujours s'accomplissent, au jour fatal, et rêve et destin, quand dans nos cœurs les souvenirs pâlissent, la mort les fait refleurir dans ses mains.